ailes du bois. Se propage un incendie sans flamme. Une peste y croît qui le ronge de l'intérieur. Qui ne se consume pas. La lumière suinte de son écorce et qui la touche transforme en croix de bois.